La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831. Il y avait conférence de presse au Saguenay. Évidemment, on faisait un petit peu le post-mortem de la saison des Saguenay. Quelle belle saison! Et question de savoir un peu comment que ça s'est passé au guichet. Question de savoir un peu comment que, s'il est satisfait, sûrement qu'il l'est. C'est le président des Saguenay, Richard Letourneau. Bonjour, Richard. Bonjour, M. Veilleux. Ça va bien? Oui, ça va bien. Richard, j'imagine qu'on est très, très, très satisfait avec la saison qu'on a connue. Oui, nous sommes très satisfaits de la saison. Il y a eu une amélioration au niveau de l'assistance au fur et à mesure que la saison avançait. Puis effectivement, on a eu des séries éliminatoires là, qui ont été extraordinaires, autant au niveau des performances des joueurs sur la patinoire que au niveau de l'assistance. OK. Lorsque votre groupe a pris ça en main, Marc Denis disait, mon objectif c'est de ramener un petit peu la fierté de porter chandail des Saguenayens, parce que ça a déjà été vraiment une fierté, et je pense que l'on peut dire mission accomplie de ce côté-là aussi là. Oui, on peut dire que c'est mission accomplie au niveau de la fierté, que ce soit au niveau des joueurs maintenant qui se donnent corps et âme pour l'organisation, pour le gilet, autant que les partisans de leur côté, étaient fiers de leur équipe et se sont réapproprié leur équipe. OK. Du côté des finances, est-ce qu'on peut dire que ça va être une année quand même positive du côté de l'organisation des Saguenay? Écoutez, au niveau des finances, c'est sûr que les séries les éliminatoires ont été quand même intéressantes, mais il y a deux choses. C'est que, un, on partait quand même excessivement de loin, que ce soit au niveau des billets de saison, qu'on n'a quand même pas rencontré nos objectifs. Puis ça, ben c'est pas à faute de personne, là. C'est comme vous le savez, là, tu peux pas du jour au lendemain partir d'un point X puis s'en aller. Je veux dire, faut que ça prenne le temps, un. Puis deuxièmement, ben écoutez, c'est notre première année qu'on complète aussi, donc pas toujours évident là d'avoir des facteurs comparatifs là pour savoir si on se situe ou comment est-ce qu'on calcule nos dépenses, si on est exact ou non là. Donc à partir de l'année prochaine, ben, ça va être beaucoup plus facile là, de pouvoir se comparer, de savoir si on est d'être capable d'approximer les résultats. Mais c'était quand même intéressant, oui, parce que les séries éliminatoires ont été intéressantes, l'assistance a été super. Super le fun aussi. Fait que, écoutez, notre année financière est un 31 juillet, puis effectivement, on s'attend d'être capable de boucler le budget. Là. OK. Est-ce que du côté, on dit ce qu'on voudra, mais le marketing, le meilleur marketing, ça reste la victoire. C'est vrai. T'as beau faire ce que tu voudras, là. C'est sûr que la victoire est. D'avoir une tradition gagnante, là, c'est sûr que c'est ça qui fait foi de tout. Puis vous parliez de fierté tantôt. Oui, c'est vrai pour la fierté. La fierté apporte aussi l'appartenance. L'appartenance apporte le respect. Puis tout ça, c'est de la crédibilité. Quand vous savez qu'une équipe junior, ben c'est fait avec des hauts et des bas. Ouais. Quand t'es toujours dans le bas, ben c'est assez dur d'expliquer aux partisans qu'un jour tu vas être dans le haut. Les partisans vont venir qui te croiront pas. Quand tu vois que quand tu leur dis quelque chose, que tu es capable de faire ce que tu dis, ben les partisans vont embarquer là-dedans. C'est pour ça que moi je dis, on est en train d'établir une tradition gagnante, une culture de gagnant. Puis on se dit que oui, les gens vont être fiers de nous supporter, puis ils vont comprendre quand on est dans le bas d'un cycle, c'est pour être capable, deux ou trois ans plus tard, d'être dans le haut du cycle. Ben, c'est comme clair. Comme je disais un petit peu encore ce matin, puis c'est un petit peu mon leitmotiv, c'est que on veut être dans l'organisation, tant au niveau hockey qu'au niveau administratif, on veut être dans le premier quartile. De cette façon-là, ben effectivement, les gens vont être fiers puis vont vraiment continuer à supporter les Saguenayens. Ben, c'est clair, hein. Puis ça reste que c'est ça pareil. Du côté maintenant de l'an prochain, à quoi ça va ressembler? Parce que là, le club, une belle fierté. Par contre, il y avait des joueurs. Il y avait Nicolas Roy qui était cette dernière année. Frédéric Allard également. Vous avez aussi Rutsoff qui pourrait revenir. Les climats, on ne sait pas ce qui va arriver. À quoi ça va ressembler tout ça, là? Oui, effectivement. Je pense que vous avez écouté. On sait que pour ce qui est de. Il y a une chose qui est sûre, c'est que nos 3-20 ans ne reviendront pas l'année prochaine. On parle de Frédéric Allard, on parle de Nicolas Marcoux, puis de Bilia. Après ça, ben, on a effectivement Nicolas Roy qui viendra pas non plus. Frédéric Allard, c'est pas un joueur de 20 ans, excusez, c'est un joueur de 19 ans, puis on a Rattel qui n'est pas là non plus. Mm. Par contre, ben, on a, comme vous dites, le reste c'est pas mal. C'est encore un petit peu vite, là, proprement dit, pour savoir. Okay. Comment est-ce que ça va s'aligner pour l'année prochaine. Mais effectivement, on a quand même plusieurs cartes là dans notre jeu. Puis effectivement, là, sauf qu'on veut pas trop parler parce que, Yannick a pas encore rencontré les joueurs individuellement. Mm. Pour savoir un peu qu'est-ce qu'on attend d'eux. Ensuite, ben, est-ce que effectivement les gens qui sont rendus à 20 ans, est-ce qu'ils sont toujours intéressés à revenir ici? C'est quoi leur plan de carrière? Donc, veux-tu tenter leur chance tout de suite au niveau professionnel? Donc, faut prendre le temps de regarder tout ça. Puis par la suite, ben, on va s'asseoir. Puis ce qui nous aide aussi, c'est qu'au niveau du repêchage pour cette année, oui, c'est vrai, il y a 4-5 joueurs exceptionnels, mais par la suite, il y a quand même un bassin là d'une cinquantaine de personnes, joueurs que le 8e joueur ou le 42e joueur, il y a beaucoup de profondeur cette année au niveau du repêchage, puis ça, ben, ça va aider. Là. OK. Une question que j'étais en train d'oublier que je vais te poser. Finalement, ça a été les acquisitions de Rattel, les acquisitions de Galipo, après ça les frères Climat, tout ça a été fait dans l'optique de Rutsoff. Rutsoff a joué seulement 10 matchs, mais dans l'ensemble, c'était quand même très, très payant. Ça a coûté cher, mais à quelque part, ça a valu le coup quand on regarde tout ça, là. Oui, ça a valu le coup. Écoutez, on était conscient de qu'est-ce qui nous manquait là en termes de profondeur. Puis, écoutez, il faut pas oublier qu'on est allé chercher aux heures avec une personne comme Joey Rattel, était quand même le capitaine de son équipe à Drummondville. Mm. Galipo était aussi capitaine à Val-d'Or, donc on avait été chercher beaucoup de leadership. Puis effectivement, là, les gens étaient bien unis ensemble. Puis le principe d'équipe, c'est vraiment bien appliqué. Là, c'est-à-dire que la somme des individus était beaucoup plus forte. L'équipe était beaucoup plus forte que la somme des individus. Là. OK. Je veux évidemment poser des questions sur le lac Saint-Jean, évidemment. On s'en est parlé souvent, Richard. Moi, j'ai senti la vague venir jusqu'ici au lac Saint-Jean, là. Dolbeau, Missassini, Saint-Félicien, Robertval. Il y avait une belle clientèle également de ce côté-là. On me dit qu'il y a quelqu'un de Robertval qui a vu beaucoup de monde de Robertval, là, justement, au Saguenay, là. À quelque part, c'est un pari gagnant. C'est un pari gagnant, puis oui, on est intéressé à. Je vous ai tout le temps dit qu'on ferait les efforts nécessaires pour ramener les gens du lac au match des Saguenayens. Puis écoutez, dans un premier temps, on a quand même 3 membres de notre conseil d'administration là qui sont du lac Saint-Jean. Hein? Ouais. Deuxièmement, ben, effectivement, on est intéressé, nous, à avoir des marcheurs là pour être capable de pouvoir vendre des billets puis de s'occuper des gens du lac Saint-Jean là pour qu'effectivement là que les fins de semaine ou c'est sûr qu'on peut comprendre que la semaine c'est pas toujours évident, mais qu'à tout le moins que les fins de semaine donc on soit capable de satisfaire toute notre clientèle. OK. Est-ce que vous êtes intéressé à jouer des matchs ici dans le haut du lac, un match sur concours? Est-ce que c'est sûr qu'il est encore très tôt là, mais est-ce que vous êtes intéressé là-dessus? Encore. Oui, effectivement, là, si on prend l'exemple de qu'est-ce qui s'est fait cette année avec le match à Robertval, tout le monde a été content et satisfait de cette initiative-là. Puis oui, on serait, on peut être intéressé à le refaire. OK. Richard, il reste le dossier de la radiodiffusion que je veux te parler. Sébastien Morin a annoncé qu'il ne serait pas de retour comme descripteur. Est-ce que ça veut dire qu'il est à renégocier ou vous allez trouver quelqu'un d'autre ou vous avez un diffuseur ou et que, comment vous donnez le temps pour avoir un nouveau descripteur? Est-ce que là-dessus, bon, là? Dans un premier temps, au niveau de la radio, ben, vous saviez qu'on avait une entente de deux ans pour la radiodiffusion avec Énergie. Ouais. Donc, l'année 2017-2018 va être notre deuxième année, donc ça va être le même genre de radiodiffusion qu'on a eu cette année, c'est-à-dire que les matchs à l'extérieur vont être à la radio, les matchs au Centre Georges Vézina vont être sur Internet, et puis... Par contre, tous les matchs des séries vont être autant à domicile qu'à l'extérieur vont être à la radio. Ouais. Maintenant, pour ce qui est du choix du descripteur, ben, effectivement, la saison vient de finir. La saison est terminée seulement en fin de semaine, dimanche soir. Donc, dans un premier temps, ben, je tiens quand même à remercier Sébastien pour tout l'excellent travail qu'il a fait et tout le professionnalisme qu'il avait. Et naturellement, ben, ça va faire partie d'un des dossiers là, qu'on va avoir à régler au cours de la saison. Mais présentement, on n'a personne qui est engagé par rapport à ça. Ben, Richard, félicitations, bravo, ça fut fort intéressant, très belle saison. On a couvert ça du haut du lac, on a couvert ça avec des entrevues, avec des joueurs. On a parlé souvent avec Sébastien. Donc, vous avez fait de vue un beau printemps. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Puis... N'oubliez pas, on est là pour 10 ans, donc c'est seulement notre première année. Ouais. Donc c'est sûr qu'on va s'organiser pour avoir encore ce genre de printemps-là au cours des prochaines années. Le président des Saguenay de Chicoutimi, Richard Letourneau.